Vous avez maintenant rendez-vous avec Histoire Vivante. Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Le cri indien du peuple vénézuélien résonne à nouveau dans la vallée de Caracas. Maracaibo, deuxième ville du Venezuela, a gardé son pittoresque. On y rencontre les Indiens Guarires qui n'ont plus la férocité de leurs ancêtres, lesquels se battirent à coups de flèche contre les conquistadors espagnols. Du Libertador, Bolivar l'avait dit, maudit soit le soldat qui tourne son fusil contre son peuple. À l'héritier, patria, socialismo o muerte. La mémoire de l'indépendance. Être révolutionnaire, c'est être du côté du peuple et des droits de l'homme. Croire qu'il existe un modèle différent de celui du capitalisme sauvage. Le Venezuela, s'il est encore le seul pays du monde qui loue son sous-sol, est le second producteur et le premier exportateur de pétrole du monde. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un pays du tiers-monde. Depuis 1823, Washington s'est octroyé le droit d'intervenir en Amérique latine des centaines de fois. Cette semaine, le Venezuela. Chapitre 1. Explorateur, libérateur. Océan Atlantique. 31 juillet 1498. Des 8 bateaux qui sont partis quelques mois auparavant, depuis la côte espagnole, il n'en reste plus que 3. 3 vaisseaux qui font face, en ce jour du mois de juillet, à une terre inconnue. À bord de l'un d'entre eux, le chef de cette expédition, Christophe Colomb. C'est le troisième grand périple qu'il poursuit, toujours à la recherche de la voie la plus rapide pour se rendre aux Indes. Troisième périple des plus complexes à agencer. À terre, il semblait bien que tous s'était ligué contre le navigateur génois et ses projets. Au cours de ses 2 précédents voyages, et malgré le succès phénoménal qui en avait résulté, les richesses rapportées n'avaient de loin pas amorti les sommes considérables englouties. Les expéditions de Christophe Colomb coûtent cher et n'apportent pas forcément la stabilité politique voulue sur place. Ainsi, on rapporte à la cour d'Espagne qu'à la colonie Hispaniola, des mouvements de révolte se manifestent en permanence. Les rumeurs, plus fortes que tout, emportant l'opinion des investisseurs, pas de métal précieux, pas d'épices, à quoi bon? C'est précisément là que Colomb tient son argument. Il faut donc poursuivre, insister dans la même orientation qu'en 1492. Il faut trouver à tout prix les Indes. À bord des bateaux, ce ne sont plus seulement des marins qui font partie de l'expédition. Paysans, artisans, compagnons aux compétences diverses sont aussi présents. On a l'idée que, moyennant de futures répartitions de terres, à défaut de trouver des richesses nouvelles, rien ne saurait empêcher d'en cultiver de nouvelles, à commencer par la canne à sucre. Les voyageurs longent d'abord un fleuve immense, dont l'impétuosité et les remous les surprennent. Quand un premier groupe met enfin le pied sur la terre ferme, 5 jours se sont déjà écoulés. Ils ne tardent guère à se retrouver au milieu d'indigènes, à la peau claire, premier contact sans agressivité. On offre aux navigateurs quelques provisions de bouche. Pendant ce temps, l'amiral Christophe Colomb poursuit sa route plus à l'ouest. Longeant une côte exubérante, il laisse derrière lui quelques îles. À la mi-août, l'opinion de Colomb est faite. Il donne l'ordre à l'un de ses compagnons de route, Alonso de Ojeda, d'explorer la zone avec la plus grande minutie. L'expédition se met en route. Une première partie, sans souci, leur permet d'atteindre Margarita. Mais des Indiens hostiles leur font renoncer bientôt à tout débarquement. La deuxième étape en dit long sur l'état des marins. Aux abords de Curaçao, les navigateurs, en proie au mirage conjugué du Nouveau Monde et d'un surprenant relief de dunes, croient voir des géants. À bord de l'expédition d'Alonso de Ojeda, un homme seul semble garder son sang-froid. Toujours muni d'un crayon et de minuscules feuillets qu'il noircit sans cesse. Juan de la Cosa, cosmographe de son état, est le premier, sans le savoir, à dessiner les contours du Venezuela. L'expédition dure 3 mois avant que Ojeda décide de rejoindre Christophe Colomb, qui l'attend à la Espafiola. Une fois encore, il lui faut bien l'admettre, la moisson aura été des plus minces et ne saura ni satisfaire les investisseurs, ni rembourser les dettes de ses coûteuses expéditions. Quelques perles, quelques pépites, quelques esclaves, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Sans compter que le désordre en la colonie de Hispaniola ne s'est point apaisé. Averti, le roi d'Espagne, excédé, dépêche sur place un homme à poigne, Francisco de Bodivilla. Celui-ci a carte blanche, tout autant pour mater la rébellion que pour intervenir dans l'organisation politique de la colonie perturbée. Et au plus haut niveau. Francisco de Bodivilla débarque peu après à la Hispaniola. Il ne lui faut que peu de temps pour destituer Christophe Colomb et le renvoyer en Espagne, enchaîné par des fers. Bodivilla prend aussitôt la relève du commandement et montre rapidement son vrai visage. Celui d'un despote qui ne recule ni devant la brutalité, ni devant la rapine. Le travail politique et diplomatique qu'aura tenté d'entamer jusque-là Christophe Colomb est ruiné en quelques semaines. Pour l'Espagne, cette terre-là fait désormais partie des colonies espagnoles. La zone de Caracas compte parmi les toutes premières, parmi les plus importantes. On la nomme Petite Venise, peut-être en raison des maisons du bord de mer construites sur pilotis. Malgré quelques mouvements de révolte qui animent parfois certaines tribus, il semble cependant que le Venezuela entre alors dans un processus lent, inexorable, de colonisation sans alternative. La couronne espagnole et les monarques qui se succèdent ont les yeux fixés sur le continent sud-américain, sur lequel ils estiment avoir toute prétention. Parmi les terres qui l'emportent prioritairement, le Mexique, le Pérou, dont les multiples richesses naturelles en or et en argent contribuent à enrichir l'Espagne. La terre que l'on nomme Petite Venise ne semble guère compter. Ce sont 5 provinces dans lesquelles on cultive essentiellement le cacao. La main-d'œuvre est importante et n'aura de cesse d'augmenter à mesure que l'exploitation de la fève se renforcera. De nombreux immigrants s'installent dans la région. Ils viennent des îles Canaries, puis plus tard d'Afrique. La compagnie royale Guipuzcoana, créée par la couronne espagnole, effectue alors des allers-retours multiples autant qu'illégaux, transportant les esclaves et chargeant au retour le cacao à bord de ses cales. Les jours se succèdent ainsi dans l'ordre espagnol. Vers la fin du XVIIIe siècle, le pays est érigé en capitainerie générale et l'économie de la région se développe. Après le cacao, ce sont les exploitations de café, de tabac, de coton qui voient le jour. Ces richesses fondées et à sens unique ne sont pas sans interroger un certain nombre qui, regardant tout autant la guerre d'indépendance menée aux États-Unis que la révolution qui secoue l'ancien régime en France, commencent à se dire qu'il faudra bien que cette exploitation cesse un jour ou l'autre. Parmi eux, un certain Francisco de Miranda. Une forte tête, et lettré qui plus est, qui au cours de la guerre d'indépendance va tout à la fois prouver sa bravoure au sein de son corps expéditionnaire et découvrir le sort réservé par son pays à ses colonies. Très vite, il s'engage à lutter pour l'émancipation de ses peuples colonisés, convaincu de l'infondé des préceptes sociaux en vigueur. Mais sa conviction n'enthousiasme qu'une poignée. Il doit pour le moment différer le grand jour de l'émancipation. Il rejoint l'Europe. Le roi, Charles III, averti des démarches du jeune homme, le fait aussitôt surveiller. Miranda prend mal la chose et envoie en riposte sa démission. Il part pour la Prusse, Potsdam d'abord, puis Berlin. Il rencontre Lafayette. Et puis c'est l'Autriche, l'Italie, la Grèce, Constantinople. Francisco de Miranda a la bougeotte. Il part ensuite en Russie. Il sympathise avec Catherine II. Et puis il file sur la Norvège, le Danemark, où la presse le fait bientôt passer pour un espion. Il repart, passe de nouveau en Allemagne, puis la Belgique, la Suisse. Il arrive à Paris, année 1789. Aller-retour entre l'Angleterre et la terre de la Révolution. Danton le nomme général de brigade. Il combat auprès de Dumouriez. Il est à Valmy pour repousser les Prussiens. Il passe les heures de la terreur comme par miracle pour se retrouver aux côtés de Bonaparte avant de quitter définitivement la France. Il se tourne une nouvelle fois vers l'Angleterre et met au point l'expédition militaire dont il rêve pour fonder sa prochaine Grande Colombie. Francisco de Miranda est un homme pressé. Il fait la rencontre d'une jeune femme, Sarah Andrews, qu'il épouse rapidement et pour laquelle il rédige aussitôt son testament, avant de filer aux États-Unis, accueilli chaleureusement par le président Jefferson. Les Anglais n'ont pas participé aux frais de l'expédition qu'il envisage, qu'importe. Ce n'est pas ça qui pourrait arrêter Francisco Miranda. Disposant d'un grand matériel de guerre, il affrète un navire, recrute 192 hommes, puis met les voiles sur Haïti. Son objectif est de débarquer sur les côtes vénézuéliennes, renverser les autorités, prendre le pouvoir. L'abord des côtes, particulièrement contrôlé par les forces navales espagnoles, rend le projet impossible. Miranda est obligé de battre en retraite. Il s'enfuit vers Trinidad. Avec l'aide du gouverneur de l'île, il organise une seconde expédition. Il parvient cette fois à débarquer à la Veia de Coro. Sur place, Miranda se retrouve seul. Les colons ne sont pas décidés à suivre le bouillonnant jeune homme. Beaucoup le considèrent comme un espion à la solde de l'Angleterre. Miranda repart. Il repart pour Londres. Il y fonde et publie son journal, le Colombiano, qui diffuse dans toute l'Amérique du Sud son message d'indépendance. Et il ne tarde pas à réembarquer de nouveau pour Caracas. Les nouvelles idées commencent à agiter les esprits. Sur place, Miranda est enfin reconnu pour ses projets, tandis que de partout, l'empire colonial espagnol se fissure. Cette énergie collective, doublée de son expérience personnelle militaire, l'aide à triompher des troupes espagnoles et à mettre en route le projet de constitution qu'il traîne avec lui depuis toutes ces années. Il est bientôt élu vice-président du Congrès. Mais les royalistes n'ont pas abandonné la lutte et décident à leur tour de réattaquer les républicains. La nature vient perturber ce calendrier, agité de bouleversements politiques. Le jeudi saint de 1812, un tremblement de terre d'une amplitude considérable tue plus de 10 000 personnes, détruit Caracas, ainsi qu'un grand nombre d'autres villes. Miranda, qui détient les pouvoirs absolus pour défendre la nouvelle patrie, est à son tour battu par les forces royalistes. Envoyé en prison en Espagne, il apprend le massacre opéré par les forces royalistes contre les populations civiles et la mort de la Première République. Le scorbut achève son corps prématurément usé par cette vie éclair. Du 26 mars 1812 est encore dans tous les esprits. Comme le sont les paroles qu'un jeune homme de 29 ans, juché sur un tas de ruines, a comme lâché à la face du ciel. Si la nature s'oppose à nos desseins, nous lutterons contre elle et ferons en sorte qu'elle nous obéisse. Le jeune homme en question se nomme Simon Bolivar. Quelques mois plus tard, malgré son inexpérience militaire totale, le voici nommé commandant de la place forte de Puerto Cabello, avec pour mission de contrer les offensives royalistes. Mission qui s'avère être un échec complet. Non seulement les royalistes l'emportent, de plus ses propres soldats l'abandonnent et se rangent sous les ordres des Espagnols. Il n'a d'autre issue que de s'enfuir avec une poignée de fidèles officiers. Bolivar a encore beaucoup de choses à apprendre quant au métier de révolutionnaire. Sa principale arme est la vision qu'il a de l'action politique. Mais il lui faut, pour la rendre efficace, s'éloigner des zones d'action afin de pouvoir la coucher sur papier. Peu après, c'est chose faite, avec la publication d'un manifeste dans lequel il expose ses principales idées qui guideront son action dans les prochaines années. Un seul commandement pour lutter jusqu'à la victoire, l'union de tous les pays hispano-américains pour réussir et consolider l'indépendance et la liberté. Ces principes sont clairs et simples. Bolivar a tiré la leçon de l'échec précédent lié à la désunion. Il affirme à tous qu'il faut concentrer les efforts de tous les Américains pour gagner la guerre et organiser ensuite les nouvelles nations. Pour cela, il sera nécessaire de convaincre les créoles de la justesse de sa cause et les entraîner dans la lutte pour l'indépendance. Une lutte qui ne pourra se dérouler dans un seul pays, mais forcément sur tout le continent afin de faire plier la domination royaliste. Peu de temps après, Bolivar transforme ses paroles en faits. À la tête d'une petite armée, il nettoie les bords du Rio Magdalena de tout ennemi et prend, en février 1813, la ville de Cucuta. 4 mois plus tard, il commence la libération du Venezuela. Bolivar sait retenir les leçons précédentes. Sur le terrain, il met son intelligence au service d'un sens tactique peu commun. Il conduit ainsi ses troupes de victoire en victoire avant de rédiger un texte dont le titre dit tout de sa détermination. Il l'intitule « Décret de guerre à mort ». Bolivar sait où il va. Il entend par là affirmer le sentiment national des Vénézuéliens et obtenir la plus grande cohésion possible. C'est une année de combats militaires acharnés qui s'ouvrent. Les populations civiles ne sont pas épargnées. Chaque ville gagnée acclame Bolivar au nom du Libertador. Dans les faits, la réalité est moins éclatante. Ses fidèles et lui-même payent un lourd tribut. Aux quatre coins du pays, une lutte à mort est engagée. Bataille après bataille, Bolivar sollicite à maintes reprises l'appui des notables civils pour restaurer les institutions. Il fait la démonstration de son projet politique. Il proclame des décrets, rédige des articles pour la Gazette de Caracas. Face à lui, il a fort à faire. Des troupes de gardiens de troupeaux des grandes plaines, dirigées par un homme infatigable, José Tomás Boves, dont la cruauté affole les populations. Boves, pour s'opposer à Bolivar et au mouvement révolutionnaire, a promis à ceux qui le suivaient la richesse de la terre des Blancs. Les combats sont âpres, d'une violence inouïe. Une fois encore, la tentative d'une république au Venezuela est battue à mort. Le Libertador doit plier, s'enfuir en Nouvelle-Grenade pour un second exil, avant de se rendre dans la colonie britannique de Jamaïque où il débarque en mai 1815. Bolivar reste sur place quelques mois, il échappe de peu à un attentat, et il se rend enfin en Haïti, où il reçoit l'aide généreuse du président Alejandro Petion. Grâce à lui, il peut de nouveau repartir à la tête d'une expédition. Les premiers objectifs de cette campagne sont réussis. Il enchaîne les victoires et décrète peu après l'émancipation des esclaves. Mais il ne sera pas dit pour Bolivar que cette victoire aura le goût de la facilité. Une fois encore, séparé du gros de ses forces, il échappe de peu à ses ennemis et retourne, une nouvelle fois, en Haïti, où il obtient une nouvelle aide du président Pétion. Il lui faut faire le point, reconsidérer son approche stratégique. Il ne peut à nouveau foncer droit devant lui. Il doit réussir à créer un point d'ancrage pour y installer des forces de réserve. Mais où ? Une terre s'impose, la Guyane. Là, il peut créer la base de ses prochaines offensives. La répartition de ses forces n'est pas le seul problème posé à Bolivar. Il surveille aussi de près l'anarchie qui gagne les troupes. Les unions, les alliances se font et se défont au fur et à mesure de l'évolution des combats. Dans cette navigation à vue, l'allié du jour est l'ennemi du lendemain. La guerre d'indépendance fait écho loin des frontières. De nombreux volontaires européens arrivent sur place pour participer au combat. En pleine guerre, Bolivar n'en demeure pas moins essentiellement préoccupé de politique. Il organise l'état de droit, convoque un congrès qu'il réunit à Angostura le 15 février 1819. Lors de l'inauguration, le Libertador y prononce un discours dans lequel se trouve l'essentiel de sa pensée sociale et politique. il propose une constitution, fait la demande d'adoption d'un texte afin de moraliser la société. Devant un congrès qui juge le projet autant utopique qu'équivoque et dangereux, il accepte de retirer ce texte. Qu'importe, l'homme politique est lancé, les victoires ne vont pas tarder à suivre. Le peuple américain, soumis au triple joug de l'ignorance, de la tyrannie et du vice, n'a pu acquérir ni savoir, ni pouvoir, ni vertu. Disciples de maîtres aussi pernicieux, nous avons reçu les leçons, étudié les exemples les plus funestes. On nous a dominés plus par la tromperie que par la force, et l'on nous a dégradés par le vice plus encore que par la superstition. L'esclavage est l'enfant des ténèbres. Un peuple ignorant est l'instrument aveugle de sa propre ruine. L'ambition, l'intrigue abusent de la crédulité et de l'inexpérience d'hommes dépourvus de toute connaissance politique, économique ou civile, et qui tiennent pour des réalités de pures illusions, qui prennent la licence pour la liberté, la trahison pour le patriotisme, la vengeance pour la justice, car il ressemble à ce robuste aveugle qui, poussé par le sentiment de sa force, marche avec l'assurance de l'homme le plus clairvoyant et, se heurtant à tous les écueils, ne peut apprendre à diriger ses pas. Un peuple perverti, s'il parvient à conquérir sa liberté, ne tarde pas à la perdre. En vain s'efforcera-t-on de lui démontrer que le bonheur consiste dans la pratique de la vertu, que l'empire des lois est plus puissant que celui des tyrans, puisqu'elles sont inflexibles, et que tout doit se soumettre à leur bienfaisante rigueur. En vain lui prouverez-vous que les bonnes mœurs, et non la force, sont les piliers des lois, que l'exercice de la justice se confond avec celui de la liberté. Ainsi, législateur, votre emprise est d'autant plus ardue qu'il vous faut constituer en société des hommes pervertis par les illusions de l'erreur et poussés par des mobiles pernicieux. La liberté, dit Rousseau, est une nourriture succulente, mais d'une digestion difficile. Nos faibles concitoyens devront fortifier longtemps leur esprit avant de parvenir à digérer la saine nourriture de la liberté. Quand leurs membres sont engourdis par les chaînes, leur vue affaiblie par l'ombre des cachots et leur volonté annihilée par les pestilences de l'esclavage, comment pourraient-ils être capables de marcher d'un pas ferme vers l'auguste temple de la liberté, d'en admirer de près les splendeurs éblouissantes et de respirer sans oppression l'air pur qui règne à ses hauteurs? Méditez bien votre choix, législateur. N'oubliez pas que vous allez jeter les fondations d'un État naissant qui ne pourra s'élever à la grandeur que lui réserve la nature si vous ne lui donnez pas une base appropriée à sa future élévation. Si le génie tutélaire du Venezuela ne préside pas à votre choix et ne vous inspire pas quand vous déciderez de la nature et de la forme du gouvernement capable d'assurer le bien public, si vous échouez, l'esclavage, je le répète, sera le terme de notre évolution. Notre épisode était intitulé « Explorateur, libérateur », une réalisation de Jérôme Nussbaum. Demain la suite avec un nouvel épisode intitulé « Président à vie ». Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.